téléchargez l'application Radio France pour découvrir, écouter des milliers de podcasts et toutes vos radios en direct. Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio cousues main, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, Si on chantait, une série d'Olivier Chomel réalisée par Marie-Laure Ciboulet. Au départ de cette série, il y a ces airs qu'on chante sans s'en rendre compte quand on est heureux, ceux qu'on entonne sur la route des vacances et ceux qu'on massacre avec des amis enthousiastes passé minuit. Et puis, il y a ces chanteurs qui ne peuvent pas s'en empêcher. Alors pour commencer, les personnages. Une jeune Sansonnet, un homme qui fredonne, une chanteuse infatigable, une famille de rossignols, une voix du Nord et un chanteur qui aime les fantaisistes. Ensuite, le décor. Une guitare, la mémoire, des couplets, des canons, des banquets de famille, des chansons idiotes, l'invention du disque, des chansons oubliées, la lune, une salade de tomates et Barbara. Aujourd'hui, 4e épisode, la jeunesse au micro. Si on connaît une chanson par cœur, sans pour autant la chanter, par exemple si on est dans un endroit où c'est pas très admis de chanter, je sais pas, dans la rue ou dans le métro, en tout cas, ça m'arrive, ça peut m'arriver de l'écouter en entier dans ma tête. Je l'entends en entier dans ma tête. De la première note à la dernière note. En silence. Ouais. C'est comme se repasser un disque intérieur. Parfois, du coup, il y a des petits bugs, comme sur un vinyle qui a sauté, je pense. Je chante un peu tout le temps sous la douche. Des fois, je fais des mélodies dans ma tête et je les braille un peu. C'est un peu genre mon passe-temps. Quand je m'ennuie, je chante. Et des fois, du coup, mes parents, ils s'énervent parce que je chante en faisant mes devoirs. Je chante fort sous la douche. Alors, des fois, je fais la la la. Enfin, je fais des trucs un peu bizarres. Et ma mère, des fois, elle me dit que je suis timbrée. Parce que je chante des trucs, ça veut rien dire. Du coup, elle me dit que je fais trop de musique. Ça fait genre la la la la la. La la la la la. Ouais, voilà, des trucs comme ça. C'est pas bizarre, ça. Bah, et c'est quoi la suite? Je sais pas, ça dépend. La la la la la. Il y a un mot d'ordre, Henri Chamou, c'est qu'il n'est pas interdit de chanter. Il n'est pas interdit de chanter, ça va me venir, laissez-moi le temps de m'échauffer. Il faut que j'arrive à placer un couplet qui convienne à la circonstance, ou qui n'y convienne pas, après tout, pourquoi pas, mais... Il faut que j'arrive à vaincre ma timidité naturelle et ça va venir. Mais t'as pas donné toute la voix. Je suis sûr que sous la douche, c'est plus, oui, c'est plus timbré que ça. C'est vrai. Si on chantait, Olivier Chomel, Marie-Laure Ciboulet. La chansonnite chronique, une maladie incurable mais bénigne. Alors c'était bien l'émission, ah ouais, la guitare était bien accordée. Qu'est-ce que je pourrais chanter de vraiment bien? Non. Un jour sur le boulevard, un monsieur très honnête, pris d'un besoin pressant, se tenait les côtelettes. Il souffrait le martyr et ne pouvait vraiment desserrer les deux jambes de peur d'un accident. Il se disait, sapristi, ça ne va guère. Il se disait, sapristi, ça ne va pas. Il restait là planté, se sentant ridicule, mais n'apercevant pas le plus petit édicule. Il se sentait faiblir et perdant tout espoir, ne savait où fourrer son petit arrosoir. Il se disait, sapristi, ça ne va guère. Il se disait, sapristi, ça ne va pas. Soudain, dans son esprit, une idée lumineuse lui fit profiter d'une voiture de blanchisseuse. Et derrière la roue de droite, bien vite il s'abrita. Voyez ce que c'est. Hein. Je m'amuse à fredonner quelques couplets. C'est l'éternel piège. Et connaître une chanson en entier, ma foi, il faut avoir envie vraiment de la chanter, ou faut avoir le talent, faut avoir une voix d'abord, là-dessus j'ai aucune... peut avoir aucune prétention, il faut avoir de la mémoire, et là-dessus, je suis bien en peine. Moi, j'adore chanter en chœur, tout seul aussi, en canon. Je trouve ça joli, en plus. J'aime trop ça. Alors voilà à quoi peut ressembler le son d'un cylindre. Attention, là, c'est un cylindre, on va dire, de la d'une période assez tardive. Celui-ci doit dater de 1914 et il est enregistré avec un procédé très au point à l'époque, le procédé Blue Amberol. Cette matière de celluloïde là est d'un bleu vif, ce qui a peu d'importance pour le contenu, mais voilà le contenu. Il en est qui connaissent un grand nombre de chansons. Ils chantent à tout propos, pour ponctuer ou illustrer la conversation en cours, parce que ça fait pleurer ou rire, parce que ça fait du bien. Un jeune guitariste, charmeur et souriant, en avait fait sa profession du soir. Il s'imposait auprès des dîneurs dans les restaurants et demandait aux convives « De quelle région êtes-vous originaire ?» Si vous répondiez que vous étiez sicilien, il vous chantait sur le champ « Syracuse ». Si vous vous disiez lillois, vous aviez droit au petit quinquin. Et pour ceux qui étaient nés dans le Puy-de-Dôme, il avait une chanson sur la fourme d'Ambert, le bougre. Derrière, c'était « Qu'est-ce que vous avez commandé à manger ?» Gigot flageolet. Et il vous jouait les haricots, version Bourville, et ainsi de suite. Ce garçon était un peu fatigant, mais vraiment épatant, tant il avait dans sa besace une chanson sur tout sujet. Notre cher Georges Brassens était un cas sévère de chansonnier de chronique. Il connaissait des centaines et des centaines de chansons des deux siècles qui l'avaient précédé, en plus des siennes, et en remontrait par exemple à Charles Trenet sur son propre répertoire. Vous êtes atteinte de chansonnite, Lou Panchenko. Comment est-ce que ça se manifeste ? Bah pour moi, ça a commencé vraiment toute petite, parce que je suis tombée dedans à cause de mes parents. Je pense que c'est eux qui sont responsables, enfin les premiers à blâmer en tout cas. Ils m'ont fait écouter beaucoup de chansons françaises, et j'ai chanté. C'est une maladie héréditaire. C'est complètement héréditaire, ah oui, en tout cas dans ma famille c'est le cas. Alors j'ai toujours chanté, je crois, puisque j'ai toujours écouté de la musique, enfin de la chanson. Et ça a continué jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que c'était le répertoire ? La chanson française. Mon père est un spécialiste de la chanson française. Du coup, j'ai forcément baigné là-dedans, beaucoup. Donc c'était Brassens, c'était Ferrat, c'était Ferré, toute cette joyeuse bande. Et d'autres. Anne Sylvestre, évidemment. Nous sommes chez Alban et Victor, dans une famille nombreuse et chantante. Comment est-ce que ça s'installe, la récurrence du recours à la chanson dans la vie ? Bah, je pense que ça précède le fait que la famille soit nombreuse. On s'est connus, on s'est connus en chantant, mais c'est à peu près vrai. Dans un chœur ? Non, pas dans un chœur, mais enfin, on a toujours chanté. L'un et l'autre, chacun de son côté, chacun dans nos familles, on était dans des familles assez chantantes. Et donc on a beaucoup chanté dès qu'on s'est rencontrés, on a tout de suite parlé de plein de chanteurs qu'on avait en commun dans notre petit panthéon. Brassens, Ferrat, et plein d'autres, Barbara, Trenet, tout plein. Et puis, comme on chante tout le temps, quand on a eu des enfants, on a chanté, il y a les disques pour enfants, et puis assez vite on a chanté avec eux... tout ce qu'on aimait, on leur apprend des chansons, il se trouve qu'ils retiennent bien les paroles, ils ont fait de la musique, ils comprennent la musique, donc... Il y a des tubes dans votre famille, Alban et Victor, et vos cinq enfants. Une chanson favorite qui fait l'unanimité, disons. Ouais, alors il y a les tubes des enfants et les tubes des parents, mais souvent qui font l'unanimité, mais je pense au Jour de clarté. Ça, on démarre souvent un voyage en voiture en mettant le Jour de clarté, ça met l'ambiance dans la famille, tout le monde est content. C'était la chanson de Peter, Paul and Mary qui s'appelait The Very Last Day, qui a été appris par Graham Allwright. Quand tous les affamés et tous les opprimés entendront tous l'appel, le cri de liberté, toutes les chaînes brisées tomberont pour l'éternité. C'est une chanson un peu... Alors eux, ils gueulent là-dessus, dans la voiture, ça marche. Du cri liberté. Voilà. Ça marche. Non, il y en a plein des tubes. C'est qui les chanteurs qui font l'unanimité ? On va demander à Emile. Je sais pas trop. Dans la voiture, on fait tout le temps des canons. Le coq est mort. Il y en a des plus... C'est lesquels ? Il y en a des marrants. Le Gailluron des Flandres, la samba. Ah ouais, la samba, c'est bien. Commence la samba. J'ai dansé la samba, la samba. J'ai dansé la samba toute la nuit. À Rio. La samba, la samba. De Janeiro. La samba toute la nuit. Comment peut-on rester au lit alors que toute la nuit. La samba haut du carnaval. La samba. Vous êtes guitariste, Jean-Christophe Tan, et chanteur. Oui, tout à fait. On est venu vous voir à Lille, dans le nord de la France. On pourrait avoir l'impression que dans le nord, on chante plus qu'ailleurs. Ah oui, tout à fait. Moi, je me rappelle, parce que j'ai déjà un certain âge, que dans les repas de famille, etc., effectivement, tout le monde chantait à tour de rôle sa chanson. Puis alors, bon, quand on était gosse, on adorait ça, parce que on savait qu'il y avait des gens qui chantaient bien, et puis il y en a qui chantaient complètement comme des casseroles, c'était horrible. Mais ils chantaient quand même, et puis ils étaient contents, tout le monde était content, on s'amusait bien, on n'avait même pas besoin de mettre de la musique en conserve. Chanter directement, et puis chacun avait sa chanson, on attendait ça. D'ailleurs, on aurait été très vexés s'il n'avait pas voulu chanter, bien sûr. Vous vous souvenez de ce répertoire ? Oui, oui, oui, oui. Ah, mon papa a chanté ça, par exemple. Nous les paumés, nous ne sommes pas aimés. Des bons bourgeois qui nagent dans la joie. Il faut avoir, pour être à leur goût, un beau foucol et un chapeau mou. Ça fait pas chic une casquette, ça donne le genre malhonnête. Et c'est pourquoi quand un bourgeois nous voit, il dit en nous montrant du doigt: c'est un mauvais garçon, il a des façons pas très catholiques. On a peur de lui quand on le rencontre la nuit. C'est un méchant petit gars, il fait du dégât, sitôt qu'il s'explique. Ça joue du poing de la tête et du chausson, un mauvais garçon, etc., etc. Mon père, à chaque fois, chantait ça. Ma mère a chanté L'âme des poètes de Traîné. Mais ça, je ne la connais pas, j'ai jamais chanté. Oui, puis il y avait beaucoup de chansons patoisantes aussi. Ah oui, il y a un répertoire local quand même important à Lille. Oui, ah oui, oui, oui. Et puis on a le carnaval de Dunkerque pas très loin. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est. Vous connaissez tout ça ? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah ouais, le carnaval de Dunkerque, il faut s'accrocher, hein. Il faut avoir le foie solide. Il n'y a que le foie qui sauve. Hein. Là. Le foie et la voix. Ouais, ouais, ouais. La foie du Nord, ouais. Franck Van de Castel, on peut avoir en tête des airs du carnaval de Dunkerque, des chansons qu'interprétaient les Capenoul et Raoul, évidemment, de Godwarzeld. Ouais. Eh oui, mais plein. Plein, mais au Raoul, il y a même... N'oubliez pas de chanter. Hein. Ben, une qui me vient tout de suite, alors pas spécialement des Capenoul, mais de Raoul, parce que je suis né à Boulogne-sur-Mer, quoi, et c'est une chanson qui s'appelle La Côte d'Opale, et alors, que je me souviens un petit peu, ça fait... Il y a deux terres qui se rencontrent, il y a deux mers qui se confrontent sur un air qui nous raconte le Nord. Et puis c'est une jolie valse, et puis c'est Jean-Claude Darnal qui avait fait ça, quoi. Superbe, quoi, vraiment. Hein. Darnal qui était l'auteur de Quand la mer monte. Quand la mer monte, alors bien sûr, quoi. Quand la mer monte, j'ai honte, j'ai honte. Quand elle descend, je l'attends. À marée basse, elle est partie, hélas. À marée haute avec un autre. Bon, les rimes sont approximatives, mais l'ensemble est beau et solide. Ah, et c'est solide, ouais. C'est une belle leçon d'amitié, quoi. Ouais, c'est une très belle chanson. Hein. Lorsque vous retournez dans votre ville natale, Franck Van de Castel, et que, par chance et par beau temps, vous apercevez les falaises de Douvres, vous avez envie de chanter ça ? Il y avait un chanteur local à Boulogne qui s'appelait Jean Jarrette, un chanteur patoisant, quoi. Alors je sais plus si c'est lui ou alors Micheline Bourguignon, enfin une autre, mais il chantait: j'aime flâner sur les quais de ma ville, me promener parmi les gens du port. Et je trouve que c'était une belle invitation comme ça. Et puis après, bon, évidemment, l'Angleterre, c'est monster d'anglais. C'était curieux parce que quand j'étais gamin, il y avait les one day trip, les Anglais qui venaient pour 10 balles, ils traversaient en car ferry. Il y a quelque chose que vous avez dit qui m'a échappé. Les monstres d'anglais. Ah. Les monstres d'anglais. Les monstres d'anglais, bien sûr. Disons que, ce qui est rigolo, c'est que on la joue un petit peu l'ennemi héréditaire, quoi, de toute façon, quoi. Avec tout ce qu'il peut y avoir comme mauvaise foi et en même temps comme plaisir à se charrier, quoi. Donc, on traversait aussi de l'autre côté, quoi, et on allait chercher les disques à l'époque à 1,99 €. On ramenait des cargaisons de disques, on vendait tout, tant bien que mal aux copains, et on a ramené les Clash, les Jam, on a ramené les Kings, enfin, etc., quoi. Pff, des choses splendides. Vous chantez surtout en français? Pas seulement, mais essentiellement. Ouais, essentiellement, quoi. Ouais. Disons que quand je chante en anglais, on a du mal à comprendre que je suis pas suédois. Voilà, quoi. Une chanson des Kings que j'adore. Ça va me revenir. Le début de Sunny Afternoon. The taxman talking all my doubt and left me in my stately home. All I've got this sunny afternoon and I can't sell my yacht. He's taken everything I've got. All I've got this sunny afternoon. Save me, save me, save me from this quiz. I've got a big fat mama trying break me. À peu près, quoi. On y est. Ouais, je sais pas. Il y a quelque chose d'un peu approximatif dans la chansonnette aiguë. Je crois que c'est vraiment inhérent à ça. On connaît les chansons et en même temps, il y a des bouts qui nous échappent. Puis c'est pas grave. On dit qu'on connaît une chanson, et puis au troisième couplet, on... patine un peu. Ouais. Puis on retrouve une note ou un mot, et puis ça réenclenche complètement la mémoire. Puis on peut repartir pour un petit bout de couplet jusqu'à la prochaine glissade. À votre avis, Lou Panchenko, vous connaissez combien de chansons? Je pense que j'en connais beaucoup, assez bien. Je serais absolument incapable de donner un chiffre. Je pense que j'en connais beaucoup. Ça se chiffre en centaines? Oui. Au moins? Oui, vraiment. Il m'arrive de découvrir une chanson et de me découvrir une passion pour cette chanson et de l'apprendre. Enfin, par exemple, je suis dans le métro et je me dis, tiens, je vais écouter cette chanson, puis je l'écoute peut-être 10 fois. Et j'écoute bien à tel moment parce que j'ai pas bien compris quelles étaient les notes précises. Puis après, j'essaie de la chanter. Enfin, j'apprends tout le temps des chansons, en fait. Sans raison précise. Pas pour les chanter devant quiconque, mais juste pour savoir les chanter parce qu'elles me plaisent. Et les derniers exemples? Alors, il y a une chanson d'une amie à moi qui vient de sortir un premier EP que j'ai tout le temps dans la tête. Mais malheureusement, cette chanson géniale n'est pas dans son EP. Enfin, c'est une chanson qu'elle a créée après. Du coup, je l'ai tout le temps dans la tête, mais je peux pas l'écouter, c'est hyper frustrant. Mais du coup, j'essaie de l'apprendre en me souvenant de ce que c'est. Ça fait... S'il n'y a pas d'adulte... Nanananana... Je me souviens pas exactement des paroles, puisque je l'ai pas assez entendu. Et ça répète comme ça dans le refrain. Ça ira, nous nous en sortirons. Ça ira, nous nous en sortirons. Elle est très jolie, elle a trouvé une mélodie qui me reste complètement dans la tête. Et récemment, il y a une chanson de Pomme qui s'appelle Chanson pour mon amoureuse dépressive. Enfin, le titre est en anglais, mais la traduction, ça fait à peu près ça. Et j'ai vraiment travaillé cette chanson parce que je l'aime bien. Je suis un peu amnésique parfois, donc il faut que je me remette de temps. Si je retrouve les premiers mots de la chanson. Ah oui, c'est ça. Souvent, c'est comme ça. Et on bute sur le premier vers. Et d'un seul coup, dès les premiers mots, toute la chanson revient. C'est exactement ça. Je t'aime, c'est comme ça. Je pleure pour la première fois de l'année ou de la vie entière. Pour la première fois, je meurs. Sans toi, j'ai mal au cœur. Tout cet émoi, ça me fait peur. Et toi, tu dors encore. Dors encore jusqu'au jour où tout ira bien. Et moi, je crois que c'est demain que vient le jour où tout ira bien, où nos deux corps danseront enfin. C'est là, tu chantes parce que ça te fait du bien? J'ai très souvent cette chanson dans la tête, je trouve qu'elle est très jolie. Et en même temps, parce que j'aime ça, ma mère elle me dit des fois que je chante parce que j'aime pas le silence. Et du coup, quand c'est trop silencieux, je chante. Mais moi, je trouve pas. Moi, je chante comme ça parce que j'aime bien et tout. Je chante pas parce que c'est trop silencieux. Grâce à vous, Henri Chamou, j'ai découvert le texte, mais pas le son, d'une chanson très intéressante au texte un peu salé. C'est interprété, créé par Mademoiselle Polaire. Ça s'appelle « Je suis terrible en amour ». Vous l'avez en tête ? Il faut dire deux mots d'abord sur Mademoiselle Polaire, Émilie Bouchot, née en Algérie. Elle fut la compagne avérée ou supposée de Madame Colette. Elle a gravé des disques, tous après la guerre de 14. Et là, voici un titre que vous évoquez, qui fait l'exception, puisqu'il s'agit d'un disque gravé en 1904, sans doute, qui correspond bien au répertoire qu'elle chantait à l'époque. Le répertoire scandaleux de ce qu'on appelait à l'époque une pétroleuse. Mmh. Il y avait tout un genre, il y avait tout un tas de tendances dans le café-concert, il y avait les gommeux, les gambilleurs, et il y avait les pétroleuses, et telle était Mademoiselle Polaire. Henri Chamou enseigne à l'École normale supérieure de Lyon. Il est historien et ingénieur, et il est même l'inventeur de l'archéophone, lecteur universel de cylindres dont les diamètres n'étaient pas standardisés du tout au moment de leur fabrication. Je tourne la tête aux vieux, je rends tous les jeunes amoureux. Et par-dessus le marché, il chante. Pour bien qu'ils se consument, gentiment je les allume, qu'ils soient jeunes ou vigoureux, moi je les rends tous gâteux, le matin, le soir, la nuit comme le jour, je suis terrible en amour. Pas un homme sur la terre ne résiste à mon genre de corps, qu'ils sont beau dire, beau faire, en amour je tiens le record. Je commence par une caresse, je leur passe la main dans les cheveux, je les fais tourner comme des girouettes, ils n'y voient que du bleu. Je tourne la tête aux vieux, je frante les jeunes amoureux. Bon, le refrain quoi. Mais vous n'allez pas rire, j'ai trouvé depuis quelque temps mon maître, et je dois le dire, un homme vraiment épatant. Il sait si bien s'y prendre. Oui, c'est le premier, ma foi, qui a vraiment su me comprendre. Il est plus fort que moi. Lorsque nous rentrons chez nous, me prenant sur ses genoux, il me dit, je veux faire risette. Viens, ma petite allumette. Il me fait tourner sur un doigt. C'est mon empereur, c'est mon roi. Puis il m'embrasse partout, partout. Troulalalaïtou. Troulalalaïtou. C'est 1904. Oui. Ça me paraît extrêmement audacieux. Oui, très audacieux. Franck Van de Castel, vous faites partie d'un groupe apparu il y a quelques années qui s'appelle Lénine Renault. Vous êtes à côté de Lille et nous avons pris le train à la gare du Nord pour venir vous voir. Et en entrant dans ce beau bâtiment, je me suis souvenu d'une ritournelle que peut-être vous connaissez qui fait « Le cœur plein d'entrain, gare du Nord ». On va prendre un train, tout confort, pour changer de patelin et et décor. Mon Dieu, ce qu'on sera bien, gare du Nord. Il y a plein de situations de la vie, des moments de conversation, qui appellent une chanson. Ah, c'est clair. Moi, quand vous me parliez de je sais pas, une chanson qui peut ramener au train. Donc, c'est un peu plus trivial. Moi, je pense à Patrick Topalov avec « Je monte dans le train, il y avait du monde. Je monte dans le train, il y avait du monde. Je monte dans le train, il y avait du monde dans le train. Je monte dans le train, il y avait du monde. » Donc, c'est un autre registre. Mais je me souviens de cette chanson. C'est un oncle qui me chantait ça. Voilà, l'époque des fantaisistes, dont Topalov, dernier, etc. Quoi. Voilà. Vous n'avez rien contre les chansons idiotes ? Ah non, au contraire. Au contraire, moi, je pense que... Non, il y a... Puis il n'y a pas de mauvaises chansons, il y a des mauvais contextes. Puis je trouve qu'on a été un petit peu dur avec ces fantaisistes. Je trouve que c'est, moi j'ai un grand souvenir de toutes ces chansons de quand j'étais gamin, que ce soit évidemment au départ Henri Salvador, mais Topalov, Sim, Carlos, etc. J'aime pas les rhododendrons, tout ça m'éclatait quoi. Ouais. Ça fait comment les rhododendrons ? Alors j'aime pas les rhododendrons. J'aime pas les rhododendrons. Enfin, alors, j'aime bien mon père, j'aime bien ma mère, j'aime bien ma sœur et ma petite, mon frère et ma petite sœur. Ah oui, je sais plus bien, je me souviens plus quand même. Mais j'aime pas les rhododendrons. J'aime pas les rhododendrons, voilà quoi. Les commis troupiers, ça vous fait pas peur non plus, Franck Van de Castel. Non, c'est vrai, j'ai pas l'a priori, quoi. C'est-à-dire que, de la même façon, comme je crois pas qu'il y ait de chansons innocentes ou de chansons engagées, etc., je pense qu'il y a des messages plus ou moins habiles dans toutes les chansons. En tout cas, ça permet de se positionner. Et puis, je pense qu'il y a des chansons pour les contextes, quoi. Les chansons qu'on fredonne pour se donner du cœur à l'ouvrage, les chansons qu'on se donne pour décontracter l'atmosphère, etc. Mais tout ça, c'est bien, quoi. Les chansons ont toute une utilité. J'aime bien les Fantaisies, j'aime bien les Troupiers, j'aimais bien les Charlots. Et de toute façon, c'est eux aussi qui m'ont fait redécouvrir Ouvrard ou des gens comme ça, bien sûr, quoi. Oui, il y a une œuvre patrimoniale des Charlots. Bah effectivement, des comiques troupiers, en passant par Boris Vian, etc. Enfin, ils ont repris au départ les premières formules des Charlots avec Louis Rego, etc. Il y avait quand même elle a volé le yo-yo en bois du Japon avec la ficelle du même métal. Je trouve que c'est assez joyeux, tout ça, rigolo, quoi. Ah ouais. Le café concert, le comique troupier. Un comique troupier peut-être. L'anatomie du conscrit. Quand je passais la révision, sous le costume du ver de terre, le major, avec attention, me regarda devant et puis derrière. Puis, m'ayant vu de la tête aux pieds, le v'là tout à coup qui s'écrie « Sgoyar, faudra le mettre cavalier !» Rapport à son anatomie. Anatomie, je me dis comme ça, qu'est-ce que ça peut bien pouvoir être? Je savais pas que j'avais ce machin-là, c'est-y que ça doit beaucoup paraître. Où ce que ça peut bien être fourré, cette espèce de sale maladie? Ah, ils auraient bien dû m'exempter si je suis atteint d'anatomie. Afin de m'en débarrasser, les camarades de la chambrée m'ont dit qu'il fallait me trémousser. Ils m'ont refilé toutes leurs corvées. Aussi, je me donne un majeul de chien. Je balaie, je frotte, j'astique, j'essuie. Ça m'éreinte, mais ça n'y fait rien, vu que c'est bon pour l'anatomie. C'est une chanson, évidemment, immortalisée par Paulin, Pierre-Paul Marsalès, dit Paulin, qui a gravé, qui a profité de l'industrie phonographique naissante. C'est pour l'époque de Dranem, de Mayol. Il faut essayer de mesurer l'opportunité pour les artistes que représente le disque. Dans la ville, toutes les dames ont su que j'avais cette espèce de machine, mais quoi qu'elles fassent, elles n'ont rien vu. Si je leur laisse voir, ça sera ma ruine. Elles seraient bien contentes d'y toucher. Aussi moi, lorsque je suis de sortie, j'ai soin de ne pas m'en approcher des femmes. Peur qu'elles voient mon anatomie. Si jamais je meurs un beau tantôt, chose qu'arrive à presque tout le monde, je voudrais que sur mon tombeau on grave ceci en belle ronde. Si j'y Jean-François Pierre Lafleur, qui a toujours aimé sa patrie, il n'avait pas la croix d'honneur, mais il avait l'anatomie. C'est merveilleux. Voilà. Moi, je dis souvent à mes enfants qu'on a le droit de chanter à table dans notre famille, parce que je trouve que c'est une façon d'être ensemble, et que ça m'a toujours semblé incongru qu'on n'ait pas le droit de chanter à table, puisque c'est joyeux, ça nous rassemble. La chanson qui vient a un rapport avec la situation ou pas nécessairement? Quelquefois, c'est vrai que par exemple on chante, il y a des mots qui appellent des chansons, il y en a pas mal. On entend un mot, ça évoque une chanson, un prénom qui évoque une chanson. Je peux pas m'empêcher quand je vois des gens qui ont un petit bébé, tiens, on a appelé notre enfant Jeanne, Philomène, machin, hop, on trouve. Donc les prénoms, les mots, les mots de tous les jours. Un pull, un micro, je sais pas, hop, il peut y avoir des chansons qui viennent comme ça. Sur le prénom Jeanne, par exemple, on trouve tout de suite. La canne de Jeanne est morte au gui, l'on a fait la veille, merveille, un œuf. La canne de Jeanne est morte sur son œuf et dans son beau costume de plumes tout neuf. Et de Jeanne, il y en a une. Oh, bah, il y a chez Jeanne, la Jeanne. On est n'importe qui, on vient n'importe quand. Et comme par miracle, par enchantement, on fait partie de la famille. Dans son cœur, en se poussant un peu, reste encore une petite place. Mais pour Philomène, quand même, que je citais, je connaissais pas de chanson, mais je suis allé en chercher, il y en a plusieurs. Il y en a une d'Anne Sylvestre. On a cherché Philomène ce matin dans tout le bourg. On a cherché la lanterne, nanana, le faubourg. Je me souviens plus trop des paroles. Les gendarmes en alarme ont cherché dans tous les coins des Lisettes, des Grisettes, mais de Philomène, point. Mais bon, c'est pas ça les paroles, mais un truc comme ça. C'est pas grave, ça. Et puis il y en avait une autre de Zouk. Il y Philomène, c'est la sœur de Célimène. Philomène, qui était très marrante. On a plusieurs copains qui ont eu des petites Philomènes, alors ils sont contents quand on leur file des chaussons. Et puis on avait trouvé une chanson pour notre fils Émile, qu'on aimait beaucoup. Ah ouais. On espérait qu'il aurait le caractère du héros de cette chanson. C'est une chanson de Jean Boyer, je crois. Une casquette sur l'œil, marchant avec orgueil, en bombant le thorax. C'est le dénommé Mimile, bien plus bouillant qu'Achille et bien plus beau qu'Ajax. C'est pourquoi tout lui est dû dans toutes les rues du 20e arrondissement. Et sous ses airs de terreur se cache un bon petit cœur plein de jolis sentiments. C'est un gars de Ménilmontant, un vrai petit parigot, un gavroche, un titi, un marrant. Mimile, il est toujours content. C'est fou ce qu'il est complaisant. Avez-vous besoin de lui? Appelez-le simplement en disant Mimile. Mimile répond présent. Il faut dire que c'est lui la coqueluche de toutes les petites femmes de Ménilmuche. Une à une, elle, en ses bras, elle trébuche. Il ne leur fait jamais des vœux de fidélité. Oui, mais ce petit coq, ce petit gars de Ménilmontant est un coq si ardent que toutes les poules disent en le quittant. Mimile, Mimile était patent, etc. C'est Maurice Chevalier qui avait chanté ça au départ, je crois. Ouais, c'est Maurice Chevalier. Brassens l'a chanté. Mais je crois que c'est une chanson de Jean Boyer, qui était le cinéaste, là, puis qui a écrit d'autres chansons, Les Gars de la Marine et quelques autres. Il y a un couplet que j'aime beaucoup qui fait. Faut que je le retrouve. Il imite leur façon, il trouve que ça fait chic. Mais c'est pas un méchant loup, il passe entre les clous et il salue les flics. Effectivement, des fois, c'est des petits scénarios, des tranches de vie, comme dirait mon camarade Béranger. Quoi. Il fait pas bosser les dames, brûler le macadam, c'est un vilain business. Ou alors, des cartes postales animées, quoi. Effectivement, des moments, un instant saisi. Il bosse, il paye son loyer, il faudrait pas le supplier pour qu'il aille à la messe. Ouais. Je trouve que c'est extraordinaire de pouvoir résumer une existence quand je pense à Béranger. Je suis né dans un petit village qui a un nom pas du tout commun. Bien sûr, entouré des bocages, c'est le village de Saint-Martin. À peine j'ai 5 ans qu'on m'emmène avec ma mère et mes frangins. Mon père pense qu'il y aura du turbin dans la ville où coule la Seine. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. La capitale, c'est bien joli, sûrement quand on la voit de Passy, mais de Nanterre ou de Charenton, c'est déjà beaucoup moins folichon. J'ai pas de mal à imaginer par où est-ce que mon père est passé, car j'ai connu 15 ans plus tard le même souci, le même bazar. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Vous dites, Franck Van de Castel, qu'il n'y a pas de chanson innocente. Qu'est-ce que vous entendez par là, au juste? Ben, on aimerait laisser entendre que les chansons d'amour sont pas des chansons à message, quoi. Enfin, moi, quand je bosse de temps à autre dans une école d'éducateurs, parce que je viens de là, je suis formateur travailleur social à l'origine, quoi. Et j'aime bien pour les conscientiser un petit peu sur le poids des mots, enfin, sur les textes, etc. Rappeler que je leur demandais quelles étaient les chansons d'amour qu'ils aimaient bien. Et il y a une étudiante qui dit, moi, j'adore une chanson de Michel Sardou qui s'appelle Je vais t'aimer, quoi. Et je les ai invités à lire un petit peu le texte, quoi. Donc, à faire trembler tous les marquis de Sade, à faire rougir les putains de la rade, à faire trembler les murs de Jéricho. Enfin bref, je vais t'aimer. Et je trouve quand même que, moi, je suis la nana, je me protège, quoi, parce que je me dis quand même qu'avec Super Michel, je vais prendre cher, quoi. Donc, et donc, on peut pas dire que c'est une chanson innocente, quoi. C'est-à-dire que il y a toute sa virilité, son machisme, etc. Je trouve que il y a encore, attention, là, c'est super costaud qui déboule, quoi. C'est voilà. Une marque de fabrique aussi de cet homme. Ah mais bien sûr que oui, quoi. Effectivement, je me souviens à l'époque avec les avec les Fatal Picard, on a fait pas mal de festivals ensemble, quoi. Et on voulait faire une compilation hommage à Michel Sardou et on voulait l'appeler MST, Michel Sardou Tribute. La compil a pas chopé. Voilà. Il y a des gens qui passent leur vie à courir après le merle blanc en croyant dans leur douce folie qu'il existe réellement. Mais des femmes gentilles, adorables, c'est comme des portiers convenables. Y en a pas, y en a pas, ou s'il y en a guère. En tout cas, s'il y en a pas d'état. Voilà, c'est bien une chanson de garçon, ça. Il y a des chansons qui sont immortelles. Il y a aussi des chansons disparues qui tombent dans l'oubli, qui se fossilisent. Ouais. Jean-Christophe Tang, indépendamment de leur qualité d'ailleurs. Ouais. Comment ça se fait? La complainte de Mandrin, par exemple, elle nous est parvenue alors qu'elle est anonyme, que je sache. Oui. Bah la complainte de Mandrin, d'après ce que j'en sais, c'est une chanson anonyme, effectivement. Mais la musique s'est tirée, paraît-il, d'un opéra de Rameau. Donc cette chanson-là, parce qu'il y a des chansons quand même que tout le monde connaît plus ou moins. Alors la chanson de Mandrin, je ne sais pas si elle fait partie de celle-là. Si, elle est quand même assez connue, la chanson de Mandrin. Les gens l'ont dans l'oreille, je crois. Les gens l'ont dans l'oreille. Elle a été chantée par Yves Montand, notamment, par plein de gens. Ben, c'est le moment de nous la faire entendre. Ah bien d'accord, mais comme que je sorte mon... Vous chantez avec moi ? En sourdine et... En sourdine. Sur la voix de gauche. D'accord. Nous étions 20 ou 30 brigands dans une bande, tout habillés de blanc, à la mode et vous m'entendez, tout habillés de blanc, à la mode et marchands. La première volerie que je fis dans ma vie, c'est d'avoir goupillé la bourse d'un, vous m'entendez, c'est d'avoir goupillé la bourse d'un curé. J'entrais dedans la chambre, mon Dieu, qu'elle était grande. J'ai trouvé 1000 écus, je mis la main, vous m'entendez. Je trouvais 1000 écus, je mis la main dessus. J'entrais dedans une autre, mon Dieu, qu'elle était haute. De robes et de manteaux, j'en chargeais 3, vous m'entendez. De robes et de manteaux, j'en chargeais 3 chariots. Je les portais pour vendre à la foire de Hollande. Je les vendis bon marché, ils m'avaient rien, vous m'entendez. Je les vendis bon marché, ils m'avaient rien coûté. Ces messieurs de Grenoble, avec leurs longues robes et leurs bonnets carrés, mûrent bientôt, vous m'entendez. Et leurs bonnets carrés, mûrent bientôt jugés. Ils m'ont jugé à pendre, que c'est dur à entendre. À pendre à étrangler, sur la place du, vous m'entendez. À pendre à étrangler, sur la place du marché. Monté sur la potence, je regardais la France. J'ai vu mes compagnons, à l'ombre d'un, vous m'entendez. J'ai vu mes compagnons, à l'ombre d'un buisson. Compagnons de misère, allez dire à ma mère qu'elle me reverra plus, je suis un enfant, vous m'entendez. Qu'elle me reverra plus, je suis un enfant perdu. Il arrive que les chansons soient des jalons historiques, Jean-Christophe Tant. Ah oui, tout à fait. En l'occurrence, je crois que ça ne s'est pas passé à Grenoble, que le nombre de brigands est pas juste. C'est-à-dire que la chanson, toute belle qu'elle est, oui, a un peu travesti l'histoire. Oui, ben comme souvent les belles chansons, hein, j'ai envie de dire. Parce que bon, c'est sûr qu'une chanson, c'est pas forcément comme un, je sais pas, un livre d'histoire ou un... C'est bon, ce qui est intéressant justement dans les chansons, c'est qu'elles traversent le temps. En même temps, je pense que les paroles ont dû être, je pense, modifiées plein de fois, certainement. Mmh. Et puis bon, effectivement, c'est pas, comment dire, un compte-rendu journalistique et précis. Non, je pense que c'est quand même autre chose. Il y a quelques belles chansons, hein, effectivement, sur le, évidemment, dans les chansons réalistes, sur la guillotine ou la peine de mort, entre « Je vais vous raconter une histoire arrivée, Anana et Jules aux gueules d'acier ». Ça, c'est Georgius. Ouais. Pour vous raconter ça, il fallait une java, j'en ai fait une batte, écoutez-la. Mais je vous préviens surtout, je suis pas poète du tout, les couplets riment pas bien, mais je m'en fous. Quand Jules et Nana, sur un air de java, se connurent au balmusette, sur un air de javette, elle lui dit « J'ai le béguin », sur un air de javin, il répondit « Tant mieux ». Sur un air déjà vieux. Ah, écoutez ça si c'est chouette. Ah, c'est la plus basse des Java. Et là, donc, évidemment, Julot, pendant ce temps, ayant besoin d'argent, etc. Et il ne chie pas une rame de métro. Voilà, qui dissimula sous son paletot. Le coup était bien fait, mais juste comme il sortait. Une roue pétasse sous son gilet. Alors on l'emmena sur un air de Java, boulevard de la Chapelle. Non, je sais plus, pardon. Alors on l'emmena sur un air de... bref, c'est fini à la guillotine, bien sûr. Il faut faire le dernier couplet. Oui, alors je vais rechercher. Julot vient à petit pas. Sur un air de Java, c'est lui qui au guillotine. Sur un air de Javine, sa tête roule dans le panier. Sur un air de Javier, et Nana s'évanouille. Sur un air de Javouille, ouais, bien sûr. Ouais, ou même chez Julien Clerc, une chanson comme L'assassin assassiné, qui était absolument superbe, quoi. C'était beau, ça. Ouais. C'était un jour à la maison, je voulais faire une chanson. D'amour, peut-être, à côté de la fenêtre, quelqu'un que j'aime et qui m'aimait. Lisait un livre de Giono, et moi penché sur mon piano, comme sur un établi magique. J'essayais d'ajuster mes mots à ma musique, le matin même à la santé. Un homme avait été exécuté, et nous étions si tranquilles. Là, au cœur battant de la ville. Ouais. Bon, voilà. C'est rigolo de voir, de se dire que, bah, effectivement, on part d'une chanson, on est sur un thème, et puis ça nous renvoie à d'autres chansons sur ces différents thèmes, quoi. C'est heureux, tout ça. Hein. Et qu'on aborde dans différents styles. Oui. Hein. Bien sûr. Parce que la chanson de Julien Clerc, elle est beaucoup plus tragique que celle de Georgius. Bien sûr. En parlant de la même chose. Tout à fait d'accord. Hein, bien sûr. Bien sûr. Moi, j'étais bouleversé. Hein. Franchement, cette chanson de Claire, je ne sais pas si elle figure encore à son répertoire, si elle la chante. Je crois que je l'ai vue qu'une seule fois sur scène, mais ça, c'est, il a touché juste. C'est superbe, ça. Vraiment, vraiment. Ouais. Ça arrive souvent que je sois en train de travailler, par exemple, ou avec d'autres gens, et que en fait, je chante et je me rends pas compte que je suis en train de chanter. D'un seul coup. Je me rends compte qu'il y a du silence autour de moi et des gens qui me regardent et qui se demandent un peu ce que je suis en train de faire. C'est complètement... Ça m'échappe complètement. Et du coup, vous vous souvenez pas forcément de ce que vous avez chanté sans faire exprès, presque, c'est-à-dire ? Ça dépend des moments, oui. Mais parfois, je chante des choses qui n'existent pas. Enfin, des choses qui existent du coup au moment où je les chante, mais qui sont pas des chansons. Ou peut-être des variations de chansons, je sais pas. On peut avoir un exemple de ça ? Je sais pas si ça me viendrait comme ça, mais... Oui, souvent, je crois que ça part d'une chanson que j'ai dans la tête, peut-être. Je me mets à faire des variations autour de ça. Donc, je sais pas, qu'est-ce que ça pourrait faire ? C'est marrant, depuis ce matin, j'ai dans la tête Le Temps Passé, de Brassens, parce que j'écoutais France Inter, où il parlait de Giscard. Et où tout le monde était très enclin à dire plein de choses formidables sur lui. Les morts sont tous des braves. Voilà, exactement. Vous nous le faites en musique ? Ouais. Il est toujours joli, le temps passé, une fois qu'ils ont cassé leur pipe. On pardonne à tous ceux qui nous ont offensés, les morts sont tous des braves types. Et pourquoi chante-t-on, Lou Panchenko ? J'ai envie de dire parce que ça fait du bien. Il y a quelque chose d'un peu magique. En tout cas, c'est le cas pour moi. Quand je chante, ouais, je ressens vraiment du plaisir. Ça me détend, ça me fait du bien. C'est vraiment très agréable. Parce que ça résonne dans le squelette. Ouais, je sais pas exactement ce qui se passe physiquement. Enfin, plein de choses. Mais oui, je pense que les vibrations, je pense que le travail des muscles... Il y a quelque chose d'une exigence et en même temps d'une détente qui est un exercice agréable. Puis il y a un plaisir incroyable à chanter à plusieurs, je trouve aussi. Ça peut durer des heures, enfin, c'est vraiment passionnant. Et à plusieurs voix. Et à plusieurs voix, ouais. Ça s'apprend, ça s'éduque. Ouais, ça s'éduque par le fait de le faire, par l'oreille. Je crois qu'on apprend énormément juste en écoutant des chansons. Je crois vraiment qu'on travaille son oreille en écoutant des chansons. Comme on travaille son vocabulaire en lisant des bouquins. c'est la même façon de, d'enrichir un peu son, son baluchon. Pourquoi on chante? Je crois qu'il y a quelque chose en effet du plaisir immédiat. Moi, je, la chanson, c'est quelque chose de, j'allais dire, de démocratique. C'est-à-dire qu'en effet, c'est pas forcément la grande musique. Il y a les chorales de Bach ou d'autres choses, mais c'est des choses qui se baladent, qui se trimballent de l'un à l'autre, qu'on se passe, comme on se passe un, je sais pas, comme on boit un coup ensemble. Et puis c'est, y compris à la radio, moi j'ai des souvenirs de la chanson, ça te tombe dessus un peu. Une chanson peut te tomber dessus un jour et puis te scotcher. Moi j'ai des souvenirs de voyages en bagnole où j'ai la radio sans savoir ce que c'est. France Culture, France Inter, FIP, et puis j'ai des souvenirs précis d'une chanson des frères Jacques, La Lune est morte. Tout d'un coup, la première fois que je l'ai entendue, qui est une chanson assez connue, mais. Je l'ai pas en tête. Qui veut chanter La Lune est morte? Pleurez, Pierrot, poètes et chats noirs, la lune est morte, la lune est morte. Pleurez, Pierrot, poètes et chats noirs, la lune est morte ce soir. Comme une fleur de tournesol, on a mis la lune en bouteille, et les gamins de la corbeille ont applaudi comme un guignol. Il va... Bon, tout ça c'est toujours un peu trop bas pour moi. Mais le jour où j'ai entendu ça en voiture, je sais pas pourquoi, c'est un jour où t'as dans tel état d'esprit, et puis cette chanson, ça peut en une seconde te foutre les larmes aux yeux, ou te faire rire. Ça dure 3 minutes, 2 minutes 30, 4 minutes, et flac, ça peut te clouer sur place, quoi. Bah, on chante parce que bon, il y a une chanson qu'on aime bien. On peut chanter aussi pour séduire les jeunes filles. On peut chanter pour parce qu'on sait rien faire d'autre. On peut chanter pour gagner un peu sa vie. Oui, moi c'est surtout parce que je ne sais faire que ça. Donc j'ai pas tellement le choix. Aragon propose une motivation à mon avis valable. Je chante pour passer le temps. Voilà. Ça, j'ai chanté également celle-ci, mais je ne saurais plus le faire. Je chante pour passer le temps petit qu'il me reste de vivre, comme on dessine sur le givre, comme on se fait le cœur content. À l'ancien caillou sur l'étang, je chante pour passer le temps. Musique de Ferré. Musique de Ferré, parole de Louis Aragon. Ouais. On ne chante pas pour passer le temps. Il y a quelqu'un qui l'a écrit. Il y a quelqu'un qui l'a écrit. Et... moi, j'en sais rien, ça me... Je sais pas répondre. Pourquoi? En tout cas, pour moi, je sens que quand je chante, je me sens vivre. Quoi. Quand je chante, je me sens bien. Et quand je peux partager des belles histoires en chanson, j'ai aussi le sentiment que je peux dire des choses sérieuses avec de la délicatesse et que ça passe plus facilement que si je faisais un long discours. Ça m'ennuierait, quoi, un cours magistral sur la peine de mort, ça m'ennuierait un cours magistral sur la tolérance ou des choses comme ça, quoi. Alors que, ben, on peut faire passer tellement de jolies choses. Vous allez chanter au réveillon, Lou Panchenko? Certainement. Certainement ivre avec des amis. Si jamais j'ai le droit. Ensemble ou seul? J'aime bien chanter avec les autres. Ça arrive souvent quand il est un peu tard, j'avoue. Et peut-être qu'on a un peu bu. Une question de désinhibition? Oui, certainement. J'ai pas tellement besoin d'être désinhibée pour chanter, mais je crois que c'est le cas de plein de gens. Mais ça, c'est fréquent qu'on se mette avec mes amis à improviser. Je sais pas, on est en train de parler. Ça nous arrive très souvent de le faire avec des histoires de légumes, je sais pas du tout pourquoi. Ces dernières fois, on chantait, je sais pas, cette salade de tomates est incroyable. Et à partir de là, on commence à improviser et à faire plusieurs voix. Et après, enfin, je sais pas, on est cinq, on commence à faire des percussions et on fait plusieurs voix différentes. Et j'aimerais bien entendre ça. Toute une polyphonie. Je sais pas si je serais capable de faire ça toute seule. comment ça pourrait faire? Cette salade de tomates est incroyable. Cette salade de tomates est incroyable, incroyable. Cette salade de tomates, tomates, tomates, tomates, tomates, tomates. Cette salade, cette salade, cette salade, cette salade, cette salade de tomates est incroyable. Par exemple, bon là je suis toute seule, mais Si je suis avec un ami qui le prend à la tierce, ça peut devenir rigolo. Puis un troisième ami qui fait des percussions, et puis qui de temps en temps dit « salade, salade ». Tomate, tomate, enfin j'en sais rien. C'est pas des choses qui arrivent, qui sont prévues. Tarzan ? Ça vous dirait Tarzan ? Quand j'étais petit, j'idolâtrais Tarzan. Pas à cause de son cri, son fameux cri de bête. Quand j'étais petit, j'idolâtrais Tarzan. Tout simplement parce que j'enviais sa quéquette. La quéquette à Tarzan, jour et nuit j'en rêvais. Lorsque je contemplais tristement ma virgule, la quéquette à Tarzan, oh oui je la greffais. Sans vergogne à la place, mon zizi de libellule. Quand j'étais petit, j'idolâtrais Tarzan. Pas à cause qu'il savait parler avec les bêtes. Quand j'étais petit, j'idolâtrais Tarzan. Tout simplement parce que j'enviais sa quéquette. La quéquette à Tarzan, je me l'imaginais s'élançant fièrement entre mes petites cannes. La quéquette à Tarzan, faut dire que je l'enviais proportionnellement au beau curon de Jeanne. Quand j'étais petit, j'idolâtrais Tarzan. Sa taille, ses biscottos, mais surtout sa quéquette. Quand j'étais petit, j'étais comme les grands. J'aurais tellement voulu me farcir sa nénette. Franck Van de Castel, est-ce qu'on ne vous fait pas parfois sentir que vous seriez dépositaire d'un patrimoine un peu archaïque, voire fossile ? Ouais, mais moi je veux bien. De toute façon, quand on a créé Marcel et son orchestre, je savais déjà que j'étais un plouc. Donc ça me va bien, quoi. C'est pas un problème. Non, mais c'est pas grave. Moi je le dis en tout cas. Mais en même temps, je me dis que quand on a 15 ans de retard, peut-être qu'on a 5 ans d'avance, quoi. Donc, savoir si c'est archaïque, c'est pas une question qui me traverse, quoi, ça. Alors, dans ces cas-là, je me dis, bah merde, puisque je suis né à telle époque, je dois écouter de la musique de mon époque. Donc, le mec qui est né dans les années 80, les boules pour lui, quoi. Alors. Tu fais ? Bien sûr, ce n'est pas la seule. La chansonnite chronique, une maladie incurable, mais bénigne. Avec César, Henri Chamoux, historien, professeur à l'ENS de Lyon, inventeur de l'archéophone, lecteur universel de cylindres. Jean-Christophe Tang, guitariste et chanteur. La famille Pelli de Messanet, 7 chanteurs d'un coup. Lou Panchenko, chansonniteuse chronique. Franck Van de Castel, du groupe Lénine Renault. Et Pierrick Bidingue-Viard, au piano. Merci à la compagnie du Tirelaine à Lille, à Stéphane Sanseverino, Serge Leroux, Pierre Aubéag et Jacques Topard de Radio Campus Lille, Kenaël Rouzic, Hélène Azera et Thomas Boissy. Et tant pis pour ceux qui s'étonnent et que les autres me pardonnent, mais les enfants ce sont les mêmes à Paris ou à Göttingen. Au fait que n'a jamais, que jamais ne revienne le temps du sang et de la haine, car il y a des gens que j'aime à Göttingen, à Göttingen. Prise de son Stéphane Beaufils, Frédéric Kérou et Hélène Langlois. Coordination Perrine Kervran. S'il fallait. Attaché de production Marie-Vonne Bolivier. Mixage Pierrick Charles. Si on chantait.